Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, qu'est-ce que t'as fait? Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai encore pété un câble. Je suis devant ce cadavre et je me rappelle de rien. Les cloches résonnent dans ma tête. Ce n'est pas possible. Mon Dieu, faites que j'ai pas tué ce prêtre. Du sang coule sur mes mains. Mon cœur bat la chamade. Dehors, j'entends des chiens aboyer. Putain, c'est la police. Je flippe ma race. Il faut que je me casse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Une voix intérieure me dit de prendre le couloir qui mène à l'extérieur. Je m'exécute, passe devant l'hôtel, traverse dans le tunnel. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'entends des voix et aperçois des ombres. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Un esprit sombre me domine. Qu'est-ce que t'as fait? Tu entends des voix et aperçois des ombres. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Un esprit sombre te domine. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Les cloches de l'église résonnent dans ma tête. Qu'importe. Je me trouve face à un miroir et pas mon désarroi. Dans ce couloir, un fond d'entonnoir. Doit me dire quand tu es personne m'arrêtera. Je sais pas si je suis possédé ou inspiré. Mais j'écoute ma raison et cesse mes interrogations. L'heure est à l'action. Et un fantôme, je cours sans que personne ne m'aperçoive. Je suis dehors et défie la mort. Ce soir est fait tard. Je crois que j'ai rencontré avec le mal. Mon ombre se dessine sur les trottoirs. D'un foutoir de boulevard. J'agarde ma main dans ce boulevard. Qui vient dans le brouillard. La pénombre, le jumeau de mon ombre. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'entends des voix et aperçois des ombres. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? L'esprit sombre me domine. Qu'est-ce que t'as fait? Tu entends des voix et aperçois des ombres. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Un esprit sombre te domine. Minuit, l'heure du crime. La crime est ma réflexion. Qui se braque sur cette mission? Je ne veux plus tuer, mais les voix m'ordonnent d'annihiler l'ordre. J'entends plus des chants de sirènes. Ils se sont estompés. J'ai esquivé ces retraités de fonctionnaires de l'ordre public. L'air me donne l'impression que ce soir c'est peut-être ma dernière punition. Je garde pourtant mon instinct qui distinctement me distingue des autres tueurs. Le brouillard est mon allié pour me cacher. Me voilà arrivé dans une autre chapelle et appelle le prêtre. Le prêtre me voit et contemple mon désarroi. Mon fils, sans me perturber, je peux t'aider si tu le veux. Je sens ce mal que t'incarnes. Mon père, je suis fatigué de tuer. Je crois que je suis possédé. Pouvez-vous m'exorciser? Mais tu l'ignores, man, encore faut-il savoir le reconnaître. Le Seigneur ton Dieu sera pour toi le remède. Mais tu l'ignores, man, mais tu l'ignores, man, mais tu l'ignores, man. Pas de blâme à ceux, les comptes arrêtés. Au cabinet du diable éternel distribue juste les tickets. Pour chaque fois qu'il te prévoit un RDV. A toi de voir où nous si tu pourras tous les assumer. Pas de blâme à ceux, les comptes arrêtés. Au cabinet du diable éternel distribue juste les tickets. Pour chaque fois qu'il te prévoit un RDV. A toi de voir où nous tu pourras tous les assumer. Le Seigneur te guette, tu pourras même dire qu'il t'embête. Mais jamais que c'est un trait s'il y a confusion. Confusion de mon être, les voix me disent d'égorger ce prêtre. Je sais pas si je suis possédé ou inspiré. Mais j'écoute mon attention et passe à l'exécution. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai encore pété un câble. Je suis devant ce cadavre et je me rappelle de rien. Les cloches de l'église résonnent dans ma tête. Police, les mains en l'air! Tête baissée, mes mains pointent les cieux, comme pour réclamer l'aide de Dieu. Mais merde, c'est un fou! Police! C'est tout. Vous vous rappelez de rien d'autre? Voilà. Voilà mes souvenirs, inspecteur. Je ne compte plus les heures que je suis bloqué dans ce commissariat avant d'arrêter mes assassinats. Assassinat, il est à deux doigts de passer aux aveux. Pourtant, cet homme me paraît faible, éperdu et sincère. Pourtant l'épreuve l'accable, m'a armé de la misère. Combien de fois dans mes cauchemars ai-je revu ces victimes saignant leur humanité, manquant d'air dans leur poitrine. Le doute m'assaille et l'erreur n'est pas permis. Je dois trouver les faits pour établir la faute commise. C'est terrible ce regard d'un coupable innocent qui reflète la candeur spontanée d'un enfant. En attendant le jugement, il est présumé innocent, mais passera ses prochains mois dans le silence de l'isolement avec ses peurs. Avec mes peurs, face à lui-même, face à moi-même, balancé dans son ego entre ce qu'il est et ce qu'il aime. J'apprends par cœur mon matricule, allongé seul dans ma cellule. Il croit être seul dans sa cellule ce soir, mais on est tous là à le regarder se morfondre jusqu'au prochain interrogatoire. C'est culpabilisant de le voir souffrir, mais tous ceux qui bâtissent leur foi sur le mensonge vont périr. Ce que tu appelles intuition, ce n'est rien d'autre que nos instructions. Il n'est pas schizophrène, il n'a pas bu. Il est juste notre pantin qui va contribuer à notre salut. Ton corps, tes actes nous appartiennent, tu nous as plu. La justice des hommes mettra ton avenir dans la crasse, mais celle de Dieu te rendra grâce. On était des gamins, on nous a volé notre innocence. Selon ce thème, il y avait refoulé le sexe et la violence. Les voix qui résonnent dans ta tête, ce sont les cris d'enfants que nous étions. Ils ont égorgé la pureté et l'ont mis sous terre. Et cela, juste derrière le presbytère. On avait besoin d'un homme comme toi, esprit malherbe et pur à la fois. Nos âmes apaisées pour l'éternité peuvent enfin reposer en paix. Mon âme apaisée pour l'éternité peut enfin reposer en paix. Enfin reposer en paix. Ha ha ha!